nécrologie, c'est logique. La nécrologie de moyen. On repâtit toute la vie jusqu'à la fin. Après, la mort plus la nécrologie. Très normal. Logique à la fin, il y a une nécrologie. Celle de moyen. Enfin, neurologie, patience, mais la mort avant consultation. Moyen à laisser 100 000 milliards de puits. Le monde entier, c'est pour tout le monde, pour tout garder. Nécrologie, c'est logique. Nécropathie toute la vie, jusqu'à la fin. Après, on en va. La nécrologie, très normal, je te dis. Jusqu'à la fin, il y a une nécrologie. C'est un moyen, enfin, neurologie, patience, mais l'amour mort avant ma consultation. Névropathie toute la vie, jusqu'à la fin, après la mort, jusqu'à la nécrologie, c'est logique, c'est très très normal, je... Logique à la fin, il y a une nécrologie, c'est un moyen, enfin... Neurologie, patience, mais la mort avant consultation. C'est pas grave, moyen à laisser 100 000 milliards d'obus dans le monde entier et la terre entière. C'est pas grave, moyen à laisser 100 000 milliards d'obus. C'est pas grave, moyen à laisser 100 000 milliards d'obus pour le monde entier et la terre entière. Sympa de sa part, de la part de Moyen, malgré qu'il soit névropathe, hein, toute sa vie, il a été toute sa vie, jusqu'à la fin, après il est mort et sa nécrologie, celle de Moyen, enfin, c'est logique, je sais. Logique à la fin, il y a une nécrologie, là, et je, celle de Moyen, et c'est pas trop tôt.